إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 31 dans l'explication du livre حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة, c'est-à-dire la réalité de l'allégeance et du désaveu dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est le livre écrit par le Cheikh Dr. Aysam ibn Abdullah al-Sinani et qui a été relu et préfacé par le Cheikh Dr. Salih ibn Fawzan al-Fawzan, adlu hay'at kibar al-ulama wa adlu lijnat al-da'ima lil-ifta. Donc, on commence dans maintenant le chapitre 7, le point numéro 7. Et le cheikh, il explique maintenant les causes de la déviation dans la compréhension de la aqida de al-wala wal-bara. Les causes de la déviation. Asbab al-inhiraf fi fahmi aqida al-wala wal-bara. Le cheikh dit, la shakka anna aqida al-wala wal-bara kasa'iri aqaid al-islam, kal-qadar, wal-iman, wal-asma'i, wal-sifat, wal-sahaba, ahl-sunnah fiha bayna al-ghali wal-jafi. ولا عجب أن يكون عدم فهم النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة مع التعجل أو وجود الهوى سببا لافتراق الناس, ويكفي أن نتناول حادثة واحدة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم حنين حين انهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في الطلقاء وفيهم كفار ولم يعطي الأنصار شيئا, فانقسم الناس في هذا العطاء إلى ثلاثة أقسام مع أن المعطي هو المؤتمن الأمين على الوحي المبين. Donc le cheikh il explique qu'il n'y a pas de doute que l'aqida de al-wala wal-bara, hein, comme toutes les autres questions d'aqida dans l'islam, comme la question de la prédestination ou de la foi ou des noms et des attributs d'Allah ou de la position envers les sahaba, les gens d'ahl-sunnah wal-jama'a dans toutes ces questions-là sont toujours entre les deux extrêmes, ceux qui exagèrent et ceux qui tombent dans l'laxisme ou le manquement. Et il n'y a rien d'étonnant là-dessus, lorsque des gens, par exemple, tombent dans ces extrêmes-là, puisque le fait de, par exemple, ne pas comprendre les textes ou les objectifs de la charia, avec la précipitation et la présence de la passion, que ça fait partie des causes de la division entre les gens. À cause de ces raisons-là, donc on retrouve des divisions qui apparaissent par la suite. Et juste pour donner un exemple, il suffit de mentionner un seul événement comme exemple qui s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hunayn, la bataille de Hunayn, lorsque les mushrikoun ont été écrasés et battus, et yani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce jour-là beaucoup de butin et qu'il l'a divisé entre les gens de la Mecque qui avaient été libérés, hein, et parmi eux il y avait des koufars. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a distribué le butin parmi les gens de la Mecque, hein, et parmi eux il y avait des koufars, et il n'a rien donné du tout aux Ansar. Et les gens se sont divisés en trois catégories par rapport à ces dons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, malgré que c'est lui qui est le digne de confiance et qui est le fiable par rapport à la révélation qui lui est révélée. La première catégorie, le Cheikh dit, amma al-qism al-awwal fa hum man rasakha imanuhum wa rashadat 'uquluhum fa salimu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam لمعرفتهم بأنه أمين الوحي الذي يأتيه خبر السماء فهو المسدد الذي لا يجوز أن يظلم فهو المسدد الذي لا يجور ولا يظلم فهؤلاء لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حديث بلغني عنكم فقال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وذكر المهاجرون والأنصار وذو الرأي من القبيلتين وهم الجمهور لم يتكلموا بشيء أصلا بل قد رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله كما قالت فقهاء الأنصار أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا. انتهى كلامه. Donc la première catégorie des gens vis-à-vis de cette circonstance, cet événement, c'est ceux dont la foi était fermement enracinée et dont la raison étaient droites. Eux ont yani été soumis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont soumis aux ordres et aux exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait confiance dans les informations qui lui viennent du ciel, et que c'est lui qui est qui est une personne droite et qui ne fait pas d'injustice, hein, ni de tort. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cette catégorie parmi les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans des hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là dans Sahih Muslim et dans Sahih Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé quelle est la parole qu'on m'a transmise à votre sujet. Alors les savants parmi eux ont dit, en ce qui concerne ceux d'entre nous qui ont une opinion et une raison, alors ceux-là au messager d'Allah, ils n'ont rien dit du tout. Hein, ceux qui possèdent parmi eux l'opinion, c'est-à-dire les gens raisonnables parmi eux, ils n'ont rien dit du tout de ces paroles-là. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il explique ça dans As-Sarim al-Masloul, le volume 2 à la page 360, il mentionne ce que les Muhajirin et les Ansar ont dit. Il dit, ceux qui possèdent l'opinion parmi les deux groupes, parmi les deux tribus, et ils sont majoritaires, c'est-à-dire c'est eux qui sont la majorité des gens parmi eux, ils n'ont rien dit du tout. C'est-à-dire ils ont été satisfaits de ce que Allah et son messager leur ont donné. Et ils ont dit, Allah nous suffit. Et Allah va nous donner de sa grâce ainsi que son messager. De même que, hein, ça c'est la parole des savants parmi les Ansar. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, hein, comme ça a été rapporté dans le hadith, en ce qui concerne ceux d'entre nous qui ont l'opinion, qui avons l'opinion, ils n'ont rien dit. On n'a rien dit du tout. Ça, c'est la fin de la citation de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. En ce qui concerne la deuxième catégorie de personnes, شيخ الذي أما القسم الثاني فهم أهل صدق وجهاد ولا لكن لحداثة سنهم تعجلوا في الأحكام وأطلقوا عبارات على عوانها ولولا سابقتهم لهلكوا كما روى الشيخان أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هواز ما أفاء فاتفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم وفي رواية قالوا إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا فلما جمعهم صلى الله عليه وسلم وصف أهل الفقه والرأي هؤلاء بقولهم أما أناس منا فحديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh, il explique la deuxième catégorie, et ce sont les gens de sincérité et de djihad qui ont lutté dans l'islam, mais à cause de leur jeune âge, ils se sont précipités dans les jugements. Et ils ont exprimé des paroles, yani, sans réfléchir. Et si ce n'était pas du fait qu'ils avaient précédé, ils avaient eu une précédence dans la religion, ou qu'ils avaient fait des choses pour la religion, ils auraient péri, comme ça a été rapporté par les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, que certains d'entre les Ansar ont dit certaines paroles. Ils ont dit au messager d'Allah, lorsque le messager d'Allah a donné le butin, lorsqu'il a eu une grosse part de butin parmi les richesses de Hawazin, et qu'il a commencé à distribuer le butin parmi les hommes de Quraysh, et il a donné à certains d'entre eux des centaines de chameaux. Alors ils ont dit que Allah pardonne au messager d'Allah, il donne à Quraysh et il nous laisse, alors que nos épées coulent de leur sang, alors que nos épées laissent couler des gouttes de leur sang. Et dans une autre narration, ils ont dit, lorsqu'il y a une bataille ou quelque chose, un besoin, une difficulté, on nous appelle. Puis on donne le butin à autre que nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis. Et les gens de raison et de compréhension parmi eux ont décrit ces gens qui ont dit ces paroles en disant l'explication suivante. Il dit, il y a des jeunes parmi nous, ils sont jeunes en âge, et ils ont dit que Allah pardonne au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il donne à Quraysh et il nous laisse, il laisse les Ansar, alors que nos épées laissent couler de leur sang encore. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je donne à des gens qui sont récents dans l'islam, qui viennent de quitter la mécréance, n'êtes-vous pas satisfait que des gens partent avec de l'argent et que vous vous retourniez dans vos maisons avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, par Allah, ce avec quoi vous retournez est meilleur que ce avec quoi il retourne. Et le cheikh il dit ensuite, wa ma'a dhalik, fa'azarahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li sabaqatihim wa jihadihim. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, law salaka an-nasu wadiyan wa salakat al-ansar shi'ban la'akhadhtu shi'b al-ansar. وقال في مواطن أخرى فوالله فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم وإنما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. Donc le cheikh il explique que malgré ça, yani, le prophète صلى الله عليه وسلم les a pardonnés, hein, et leur a excusé leurs paroles à cause du fait qu'ils ont eu des précédents dans l'islam et qu'ils ont lutté dans la cause de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens prenaient une vallée comme chemin, hein, si les gens auraient emprunté une vallée et que les Ansar auraient emprunté des petits chemins, j'aurais emprunté les petits chemins des Ansar. Et il a mentionné ensuite, dans d'autres occasions, il a dit, Allah et son messager vous croient, hein, ils croient à ce que vous dites, et ils vous pardonnent. Hein, ça c'est quand ils ont expliqué qu'ils ont dit ça par jalousie, hein, par amour et par jalousie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, hein, que Allah et son messager vous croient et vous parlent et vous excusent. Et le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a excusés pour deux raisons, hein. La première raison il explique, il dit, wa anna haula as-sahaba lam yaquluhu shakkan bi'adl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa amanatihi wa innama dhannan bi anna ma fa'alahu كان من باب الاجتهاد الذي يمكن أن يراجع فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مفرقا بين قول الأنصار واللازمين للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل القسم التالي: أن أحدا من المؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم لم يكن في شيء من كلامه تجويز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني تجوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجويز ذلك عليه ولا اتهام له أنه حاب في القسمة لهوى النفس وطلب الملك ولا نسبة له إلى أنه لم يرد بالقسمة وجه الله ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين. وكان العلم بجهة المصلحة قد ينال بالوحي وقد ينال بالاجتهاد، ولم يكونوا علموا أن ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بوحي من الله، فإن من كره ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك فهو كافر مكذب. وجوزوا أن يكون قسمه يعني اجتهادا، وكانوا يراجعونه في الاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين، وهو باب يجوز العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة، وربما سألوه عن الأمر لا لمراجعته فيه لكن ليتبينوا وجهه ويتفقهوا في سننه ويعلموا علته. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a excusés pour deux raisons. La première raison c'est que ces sahaba n'ont pas dit cette parole là par doute en la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en son honnêteté, mais ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ça par un effort de jugement personnel et qu'il pouvait yani, lui demander son point de vue à ce sujet-là et qu'il pouvait peut-être revenir sur cette décision-là. Cheikh al-Islam, il a expliqué la différence entre la parole des Ansar qui sont restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens dont on vient de parler et les autres qui ont dit cette parole-là, qui attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les khawarid ou les munafiqin. Donc le cheikh il explique la parole de cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans As-Sarim al-Masloul, le volume 2, à la page 359. Il dit que il n'y a aucun d'entre les croyants parmi Quraysh, parmi les Ansar ou autres qui ont dit dans leur parole quelque chose qui pourrait impliquer que le professeur sallam faisait de l'injustice ou qu'il pouvait permettre cela. Et personne ne l'a accusé non plus d'essayer de diviser les butins pour essayer de plaire et de satisfaire sa passion ou de chercher le pouvoir. Ou des accusations de ce genre, comme par exemple de dire qu'il n'avait pas voulu, dans cette distribution des butins, le visage d'Allah, ou d'autres paroles semblables qui sont venues dans les paroles des hypocrites, des munafiqines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cheikh dit wa kana al-ilm bi jihati al-maslaha qad yana, donc dit la science, la connaissance de la direction où l'endroit où se trouve le bienfait, la maslaha, elle peut se connaître par deux façons, soit par la révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut déterminer qu'est-ce qui est le bienfait ou où se trouve le bien par la révélation qu'Allah lui fait, et parfois aussi il le trouve par en faisant des efforts de jugement pour arriver à la meilleure opinion. Et ici dans cette occasion-là, ils n'ont pas su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cette parole-là et qu'il avait dit ceci est une révélation d'Allah. Et donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que si par la suite, après avoir dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ceci est une révélation d'Allah et que par la suite quelqu'un détestait cette décision ou se serait objecté à cette opinion-là, eh bien, ou à cette position-là, donc là, dans ce cas-là, il aurait été mécréant et il aurait été quelqu'un qui dément ou qui vient démentir la révélation. Donc ça c'est le mécréant qui agit comme ça. Mais ils savent que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu baser cette distribution du butin sur l'ijtihad, c'est-à-dire sur un effort de jugement qu'il fait par rapport à son opinion personnelle, comme il parfois revenait à lui pour des décisions qu'il prenait dans les affaires de la dunya qui sont reliées à des intérêts de la religion. Et c'est quelque chose qui est permis d'agir selon l'ijtihad dans ces questions-là, selon l'accord de toute la Ummah. Mais le cheikh dit donc, ils lui ont demandé à propos de cette question-là, non pas pour qu'il revienne dans cette décision-là, mais pour qu'il lui clarifie la raison, dans le but de comprendre la religion, de comprendre sa sunna, et de savoir la cause de cette action-là, pourquoi il a agi de cette façon-là. Donc ça, c'est la fin de la citation ici, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ensuite, il mentionne une autre explication, et il dit que la raison pourquoi il les a excusés également, c'est à cause du fait qu'ils ont fait des efforts pour la religion de l'islam, et qu'ils ont lutté pour la défense de la religion. Et donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aussi à propos des gens de Badr, comme c'est rapporté dans le hadith, لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens de Badr et il leur a dit, faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné. Yani à cause des grands efforts qu'ils ont faits pour la religion. Donc ça c'est la deuxième raison pourquoi il les a excusés. Et il y a une quatrième catégorie de personnes qui ont eu une autre attitude par rapport à cette division des butins. Et le cheikh il mentionne maintenant l'exemple des Khawarij. أما القسم الثالث فهم أهل جفاء وغلظة وقلة فقه ودين وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدله كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويسرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال يا رسول الله اعدل وفي أخرى قيل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فقال صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل وفي أخرى فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنني فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية عن مثل هذا العطاء للتأليف على الإسلام قال وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويسرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وتركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique la troisième catégorie, ce sont les gens de la dureté et de la rudesse et du peu de compréhension et de yani du peu de religion, c'est-à-dire ils ont peu de compréhension et peu de religion, et ils ont attaqué même la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il mentionne le hadith, donc ils ont attaqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa justice, et il mentionne le hadith rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, qui mentionne que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous étions avec lui et il divisait le butin, un homme est venu qui s'appelle Zul Khuwaysira, un homme parmi la tribu de Tamim. Il a dit ô messager d'Allah, sois juste. Et dans une autre narration, c'est rapporté qu'il a dit que cette distribution, cette division du butin, on n'a pas voulu par celle-ci le visage d'Allah. On voulait dire que ce n'est pas fait pour Allah, pour plaire à Allah. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur à toi, et qui sera juste si moi je ne suis pas juste, tu as certes perdu si je ne suis pas juste. Et dans une autre narration, il a dit, celui, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qui obéira à Allah si moi je lui désobéis? Yani, et si on m'a fait confiance pour les habitants de la terre, alors ne vas-tu pas toi me faire confiance? Et Omar, radiallahu anhu, il a dit au messager d'Allah, permets-moi que je frappe son cou, donne-moi la permission de lui frapper le cou. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-le, parce qu'il a des compagnons. Et si vous comparez votre prière à leur prière, eh bien vous mépriserez votre prière par rapport à leur prière. Et vous mépriserez votre jeûne par rapport à leur jeûne. Et ils récitent le Coran sans que cela ne dépasse leur gorge. Et ils quitteront la religion comme l'arc, comme la flèche quitte son arc. Il a dit ensuite, et si je les aurais rencontrés, je les aurais combattus ou exterminés comme on a exterminé le peuple de Had. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit à ce sujet-là dans son livre As-Siyasa Shar'iyya, le volume 1 à la page 218. Il dit ce, en parlant des dons qui sont faits pour rapprocher les gens de l'islam, que ce soit des non-musulmans ou des gens qui sont nouveaux dans l'islam. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et ceux qui condamnent ce genre de dons, ce sont uniquement les gens qui ont une religion corrompue, comme Dhul Khuwaysira, qui a condamné ou dénoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a distribué le butin. Et il a même dit à son sujet ce qu'il a dit, de même que son parti parmi les Khawarij qui ont condamné Amir al-Mu'minin Ali radiallahu anhu lorsqu'il a voulu faire une réconciliation et qu'il a utilisé des juges pour arriver à une entente, et qu'il a effacé, il a accepté d'effacer son titre d'Amir al-Mu'minin, ils l'ont blâmé pour ça. Et quand il a refusé de prendre des esclaves parmi les femmes musulmanes et les enfants musulmans, ils l'ont blâmé pour ça. Et c'est cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont une religion qui est corrompue, avec laquelle on ne peut garder et on ne peut réformer ni la dunya ni l'au-delà. Et ça, c'est la fin de la citation en question. Donc, ensuite, le cheikh, il va parler des exemples qui sont courants chez les Khawarij, même à notre époque. Et il va donner deux exemples de gens qui sont tombés dans des catégories de takfir à notre époque. Inch'Allah, qu'est-ce que je vais faire? On va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui. Puis, Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah, au prochain cours. Je vais. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته